À l'occasion de l'anniversaire du général Kim Jong-il, les matelots du navire tanzanien Ebo Bright et du navire mongol Glory Hope 6 ont organisé le 14 un rendez-vous au port de Chongjin de la province du Hamgyong du Nord en Corée. Les orateurs ont souligné que la vie de Kim Jong-il vénéré par le monde est celle du révolutionnaire éminent, patriote sans égal et père affectueux du peuple coréen et qui s'est consacré entièrement pour la patrie et son peuple. Les participants ont adopté une lettre à l'adresse du dirigeant suprême Kim Jong-un.